106. 106. On verra. Don't get away, I don't know why. Ça va être trop aigu ça. Je mets la batterie. Bye. sound close. Do you like my song?